Qu'est-ce qu'ils ont avec moi sur le piratage encore? Je suis au Greta, voilà les faits égalés tirés d'une histoire vraie. Je négocie la place pour un travail payant qui fait des bifetons. Imprimer, scanner, c'est mon rayon, me fait demander une réorganisation de la classe. J'opère, ça mal, je déballe mon savoir-être et mets un réseau les périphériques demandés car j'ai le niveau. Comme un retour brillant de l'action, un 5 sur 5, des idées plein la tête, on me fait des compliments. Je sors, j'ai la patate, je continue sur ma lancée polyvalent, j'en jette et nettoie la corbeille. Je m'attaque à la classe du CDI, je vise, je propose de démontrer au prof gardien du local que je ne suis pas bof bof ni banane à mes projets pour faire des optimisations de la bande passante avec le site Google. Tu vas voir la diff, c'est plus rapide et limpide, le surf sur internet avec ça en moi. Petit truc t'étape, je vais te prouver, je m'applique, donc j'explique que vos navigateurs sont pas adéquats avec Yahoo, bien vu. Ce dernier affiche des informations politiquement non essentielles dans le cadre scolaire. C'est inutile de perdre la bande passante, il faut être économe, petit bonhomme. Je chronomètre à main le temps de lancement des 8 PC et le CDI, il va céder le cash. Je joue pas cash-cash, mais rapporte du cash avec sans Yahoo. Je prouve que le lancement du navigateur fait son effet avec Google. Mon test est une réussite parfaitement exploitable professionnellement. Le temps de chargement fait gagner de l'argent sans pouvoir le nier car j'ai chronométré les performances, tu vois, c'est prouvé. Ok, j'ai fait mon job, je lui dis teste le système comme cela, tu me diras ton avis d'utilisateur dans quelques jours. Bien, je reviens sur l'affaire, je ne lâche pas l'affaire, je suis l'administrateur réseau et puis tardivement. Après un rond souriant, visite incognito, je vois tous les PC reconfigurés sur Yahoo, c'est dit. Je demande pourquoi, il me répond, moi j'utilise pas ta merde, je préfère Yahoo, allez un premier coup sur moi. Je lui ai averti des conséquences et le remercie pour la bande passante du réseau avec un routeur 128K pour tout le LEP. Enfin, je vais voir le chef du LEP partie école. Je lui demande s'il peut avec grâce me donner un ordinateur pour le transformer en serveur proxy dans un premier temps, voire plus tard un hébergement pour le site internet du LEP. Je lui explique pourquoi dans tous les sens que c'est vital un serveur derrière une trentaine de postes clients sous Windows et qu'il n'y a rien à payer puisque j'ai le niveau. La bande passante ne peut pas être négligée dans une école avec un modem de bord, modem 50K x2. Une optimisation qui accélérera le temps de chargement pour les clients en réseau fera effet. Cela a été prouvé au CDI, demandez-leur, il me dit qu'il me croit pas et que j'ai fait n'importe quoi. Cela a été rapporté, j'ai fait n'importe quoi, on lui a averti. Super, le mec, il a un problème avec moi, enfoiré de goût. Du coup, je le prends mal et il me dit, fais-moi une démo, trop facile, je suis partant. Ok, je lui dis, il me faut l'ordinateur inutilisé dans la salle adéquate. Où il y a la connexion internet, il me dit non, cette pièce doit rester fermée. Alors moi, comment je fais? Je vais utiliser un PC dans une salle de cours pour faire voir que je suis capable d'un 2-3 coups. Les profs ont remonté l'information aussitôt. Au final, je vais le voir juste avant ma mise à pied. De toute manière, quand tu fais quelque chose, Steve, tu dois nous avertir en faisant un dossier, expliquant ton projet. Moi, il fallait me le dire avant. Il me prend un parti, il me dit c'est un bon informaticien, pirate-moi mon ordinateur de suite. Je me suis dit, va te faire voir, j'ai pas besoin de cela pour te prouver que je suis fort. Aucune raison, c'est pas censé, j'ai été éjecté.